occasions. Ça y est entre ça vous quittez toujours pour moi. Si je dis chérie, nous venons séparer. Par rapport à jaloux qui toujours qu'à parler. Ou toujours j'en dis en rêve à moi. Et nous dégageons, rêve à l'amour. À pas vous, oh ma scène nous. Quitter bien décidé, lever pour toujours. Moi garde you, baby. Et toute fleur à l'amour, toujours pour nous. Mais j'ai ou parti. Qui j'en moi qui peux faire pour moi oublier. Moi garde du bébé. Tout ça qui passait.